Et je lisais les lignes de ta main. Tu as tué mon âme de gitan. Et je t'en veux, t'en loue en même temps. Adieu, Marianne. Le temps vient, nous allons rire, pleurer et rire, pleurer, puis en rire à nouveau. Nous étions encore jeunes quand on s'est rencontrés. Sur la lilas en fleurs d'un parc, on s'est caché. Tu t'es pendu à moi comme un crucifix. Comme nous nous agenouillons dans la nuit. Adieu, Marianne. Le temps vient, nous allons rire, pleurer et rire, pleurer, puis en rire à nouveau. Comme à une fragile toile d'araignée, je me raccroche à ton souvenir pour ne pas tomber. C'est alors que j'allais prendre ta main et m'en sortir. Tu as choisi le moment de partir. Adieu, Marianne. Le temps vient, nous allons rire, pleurer et rire, pleurer, puis en rire à nous. Amour accommodant, amour caméléon. Tu as encore, je crois, changé de nom. Et tu parles de nous à tous les étrangers. Comme si nous n'avions plus de secrets. Adieu, Marianne. Le temps vient où nous allons rire, pleurer et...